L'école des femmes avait été créée le 26 décembre 1662. En mars, dans la préface de la première édition de la pièce, Molière annonça qu'il avait écrit un dialogue en réponse aux attaques de ses ennemis et que peut-être il le jouerait. À la suite de quoi, il reçut une lettre anonyme le menaçant d'une bastonnade s'il s'y risquait. Il s'y risqua, et ce fut le 1er juin, la critique de l'école des femmes, que vous allez d'abord entendre. Comme vous vous en rendrez compte, bien plus qu'une défense, la critique est une contre-attaque d'une violence et d'une franchise assez rare. Quoi, cousine, personne ne t'est venu rendre visite? Personne du monde? Vraiment, voilà qui m'étonne que nous ayons été seules l'une et l'autre tout aujourd'hui. Cela m'étonne aussi, car ce n'est guère notre coutume, et votre maison, Dieu merci, est le refuge ordinaire de tous les fainéants de la cour. L'après-dîner, à vrai dire, m'a semblé fort longue. Ah, et moi je l'ai trouvée fort courte. C'est que les beaux esprits, cousine, aiment la solitude. Oh, très humble servante au bel esprit, vous savez que ce n'est pas là que je vise. Pour moi, j'aime la compagnie, je l'avoue. Je l'aime aussi, mais je l'aime choisie. Et la quantité des sottes visites qu'il vous faut essuyer parmi les autres est cause bien souvent que je prends plaisir d'être seule. La délicatesse est trop grande de ne pouvoir souffrir que des gens triés. Oh, et la complaisance est trop générale de souffrir indifféremment toutes sortes de personnes. Je goûte ceux qui sont raisonnables et me divertis des extravagants. Ma foi, les extravagants ne vont guère loin sans vous ennuyer. Et la plupart de ces gens-là ne sont plus plaisants dès la seconde visite. Mais à propos d'extravagants, ne voulez-vous pas me défaire de votre marquis incommode? Pensez-vous me le laisser toujours sur les bras et que je puisse durer à cette turlupinade perpétuelle? Ce langage est à la mode et l'on le tourne en plaisanterie à la cour. Tant pis pour ceux qui le font et qui se tuent tout le jour à parler ce jargon obscur. La belle chose de faire entrer aux conversations du Louvre de vieilles équivoques ramassées parmi les bouts des halles et de la place Maubert. La jolie façon de plaisanter pour des courtisans. Et qu'un homme montre d'esprit lorsqu'il vient vous dire « Madame, vous êtes dans la place royale et tout le monde vous voit de trois lieues de Paris car chacun vous voit de bon œil. À cause de bon œil est un village à trois lieues d'ici. » Je ne dis pas bien galant et bien spirituel. Et tous ceux qui trouvent ces belles rencontres n'ont-ils pas lieu de s'en glorifier? On ne dit pas cela aussi comme une chose spirituelle et la plupart de ceux qui affectent ce langage savent bien eux-mêmes qu'il est ridicule. Oh, tant pis encore de prendre peine à dire des sottises et d'être mauvais plaisant de dessins formés. Je les en tiens moins excusables. Et si j'en étais juge, je sais bien à quoi je condamnerais tous ces messieurs, les turlupes. Laissons cette matière qui t'échauffe un peu trop. Et disons que Dorande vient bien tard, à mon avis, pour le souper que nous devons faire ensemble. Ah, peut-être l'a-t-il oublié. Voilà Climène, madame, qui vient ici pour vous voir. Oh, mon Dieu, quelle visite! Vous vous plaignez d'être seule, aussi le ciel vous en punit. Vite, qu'on aille dire que je n'y suis pas. On a déjà dit que vous y étiez. Mais qui est le sot qui l'a dit? Moi, madame. Diantre soit le petit vilain, je vous apprendrai bien à faire vos réponses de vous-même. Je vais lui dire, madame, que vous voulez être sortie. Arrêtez, animal, et la laissez monter puisque la sottise est faite. Elle parle encore à un homme dans la rue. Oh, cousine, que cette visite m'embarrasse à l'heure qu'il est. Il est vrai que la dame est un peu embarrassante de son naturel. J'ai toujours eu pour elle une furieuse aversion. Et n'en déplaise à sa qualité, c'est la plus sotte bête qui se soit jamais mêlée de raisonner. L'épithète est un peu forte. Allez, allez, elle mérite bien cela. Et quelque chose de plus, si on lui faisait justice. Est-ce qu'il y a une personne qui soit plus véritablement qu'elle, ce qu'on appelle précieuse à prendre le mot dans sa plus mauvaise signification? Elle se défend bien de ce nom-là, pourtant. C'est vrai, elle se défend du nom, mais non pas de la chose. Car enfin, elle l'est, depuis les pieds jusqu'à la tête, et la plus grande façonnière du monde. Il semble que tout son corps soit démonté, et que les mouvements de ses hanches, de ses épaules et de sa tête n'aillent que par ressort. Elle affecte toujours un ton de foi languissant et niais, fait la moue pour montrer une petite bouche et roule des yeux pour les faire paraître grands. Oh, doucement donc, si elle venait à entendre. Point, point, elle ne monte pas encore. Je me souviens toujours du soir qu'elle eut envie de voir Damon. Sur la réputation qu'on lui donne et les choses que le public a vues de lui. Vous connaissez l'homme et sa naturelle paresse à soutenir la conversation. Elle l'avait invité à souper comme bel esprit. Et jamais il ne parut si sot. Parmi une demi-douzaine de gens à qui elle avait fait fête de lui et qui le regardaient avec de grands yeux comme une personne qui ne devait pas être faite comme les autres. Ils pensaient tous qu'il était là pour défrayer la compagnie de bons mots, que chaque parole qui sortait de sa bouche devait être extraordinaire, qu'il devait faire des impromptus sur tout ce qu'on disait et ne demander à boire qu'avec une pointe. Mais il les trompa fort par son silence, et la dame fut aussi mal satisfaite de lui que je le fus d'elle. Tais-toi, je vais la recevoir à la porte de la chambre. Encore un mot, je voudrais bien la voir mariée avec le marquis dont nous avons parlé. Le bel assemblage que ce serait d'une précieuse et d'un turlupin. Oh, veux-tu te taire ? La voici. Vraiment, c'est bien tard. Oh, oui, grâce, ma chère. Faites-moi vite donner un siège. Un fauteuil, promptement. Oh, mon Dieu. Qu'est-ce donc ? Je n'en puis plus. Qu'avez-vous ? Le cœur me manque. Sans vapeur qui vous ont prise. Non. Voulez-vous que l'on vous délasse ? Mon Dieu, non. Oh, quel est donc votre mal ? Et depuis quand vous a-t-il pris ? Il y a plus de 3 heures, et je l'ai rapporté du palais royal. Comment ? Je viens de voir, pour mes péchés, cette méchante rhapsodie de l'école des femmes. Je suis encore en défaillance du mal de cœur que cela m'a donné, et je pense que je n'en reviendrai de plus de 15 jours. Oh, vous voyez, un peu comme les maladies arrivent sans qu'on y songe. Je ne sais pas de quel tempérament nous sommes, ma cousine et moi, mais nous fûmes avant-hier à la même pièce, et nous en revînmes toutes deux saines et gaillardes. Oh, vous l'avez vu ? Oui, et écoutez, d'un bout à l'autre. Et vous n'en avez pas été jusqu'aux convulsions, ma chère ? Je ne suis pas si délicate, Dieu merci, et je trouve pour moi que cette comédie serait plutôt capable de guérir les gens que de les rendre malades. Oh ! Mon Dieu, que dites-vous là ? Cette proposition peut-elle être avancée par une personne qui est du revenu en sang commun ? Peut-on impunément, comme vous faites, rompre en visière à la raison et dans le vrai de la chose ? Est-il un esprit si affamé de plaisanterie qu'il puisse tâter des fadaises dont cette comédie est assaisonnée ? Pour moi, je vous avoue que je n'ai pas trouvé le moindre grain de sel dans tout cela. Et les enfants par l'oreille m'ont paru d'un goût détestable. Et la tarte à la crème m'a fadi le cœur. Et j'ai pensé vomir au potage. Mon Dieu, que tout cela est dit élégamment. J'aurais cru que cette pièce était bonne. Mais madame a une éloquence si persuasive. Elle tourne les choses d'une manière si agréable qu'il faut être de son sentiment, malgré qu'on en ait. Pour moi, je n'ai pas tant de complaisance. Et pour dire ma pensée, je tiens cette comédie une des plus plaisantes que l'auteur ait produite. Oh, vous me faites pitié de parler ainsi. Et je ne saurais vous souffrir cette obscurité de discernement. Peut-on, ayant de la vertu, trouver de l'agrément dans une pièce qui tient sans cesse la pudeur en alarme et salit à tout moment l'imagination? La jolie façon de parler, que voilà que vous êtes, madame, une rude joueuse en critique, et que je plains le pauvre Molière de vous avoir pour ennemi. Croyez-moi, ma chère, corrigez de bonne foi votre jugement, et pour votre honneur, n'allez point dire par le monde que cette comédie vous ait plu. Moi, je ne sais pas ce que vous y avez trouvé qui blesse la pudeur. Hélas, tout. Et je m'en fais qu'une honnête femme ne la saurait voir sans confusion, tant j'y ai découvert d'ordures et de saletés. Il faut donc que pour les ordures, vous ayez des lumières que les autres n'ont pas. Car pour moi, je n'y en ai point vu. C'est que vous ne voulez pas y m'avoir vu, assurément. Car enfin, toutes ces ordures, Dieu merci, sont à visage découvert. Pas la moindre enveloppe qui les couvre. Et les yeux les plus hardis sont effrayés de leur nudité. Mais encore, s'il vous plaît, marquez-moi une de ces ordures que vous dites. Hélas ! Est-il nécessaire de vous les marquer ? Ah oui, je vous demande seulement un endroit qui vous est fort choqué. En faut-il d'autre que la scène de cette Agnès lorsqu'elle dit ce qu'on lui a appris ? Eh bien, que trouvez-vous là de sale ? Oh ! De grâce ! Fille ! Mais encore ! Je n'ai rien à vous dire ! Pour moi, je n'y entends un point de mal. Tant pis pour vous ! Tant mieux plutôt, ce me semble. Je regarde les choses du côté qu'on me les montre et ne les tourne point pour y chercher ce qu'il ne faut pas voir. L'honnêteté d'une femme ! L'honnêteté d'une femme n'est pas dans les grimaces. Il s'y est mal de vouloir être plus sage que celles qui sont sages. L'affectation en cette matière est pire qu'en toute autre. Et je ne vois rien de si ridicule que cette délicatesse d'honneur qui prend tout en mauvaise part, donne un sens criminel aux plus innocentes paroles et s'offense de l'ombre des choses. Croyez-moi, celles qui font tant de façons n'en sont pas estimées plus femmes de bien. Au contraire, leur sévérité mystérieuse et leurs grimaces affectées irritent la censure de tout le monde contre les actions de leur vie. On est ravi de découvrir ce qu'il y peut avoir à redire. Et pour tomber dans l'exemple, il y avait l'autre jour des femmes à cette comédie vis-à-vis de la loge où nous étions qui, par les mines qu'elles affectèrent durant toute la pièce, leur détournement de tête et leur cachement de visage, firent dire de tous côtés sans sottise de leur conduite que l'on n'aurait pas dit sans cela. Et quelqu'un, même des laquais, cria tout haut qu'elles étaient plus chastes des oreilles que de tout le reste du corps. Enfin, il faut d'être aveugle dans cette pièce et ne pas faire semblant d'y voir les choses. Il ne faut pas y vouloir voir ce qui n'y est pas. Oh, je soutiens encore un coup que les saletés crèvent les yeux. Et moi, je ne demeure pas d'accord de cela. Quoi ? La pudeur n'est pas visiblement blessée par ce que dit Agnès dans l'endroit dont nous parlons ? Non, vraiment, elle ne dit pas un mot qui de soi ne soit fort honnête. Oh. Et si vous voulez entendre dessous quelque autre chose, c'est vous qui faites l'ordure. Oh. Et non pas elle, puisqu'elle parle seulement d'un ruban qu'on lui a pris. Oh, ruban, tant qu'il vous plaira. Mais ce « le » où elle s'arrête n'est pas mis pour les prunes. Il vient sur ce « le » d'étranges pensées. Ce « le » scandalise furieusement. Et quoi que vous puissiez dire, vous ne sauriez défendre l'insolence de ce « le ». Il est vrai, ma cousine. Je suis pour madame contre ce « le ». Ce « le » est insolent au dernier point. Et vous avez tort de défendre ce « le ». Il a une obscénité qui n'est pas supportable. Comment dites-vous ce mot-là, madame ? Obscénité, madame. Oh, mon Dieu, obscénité. Je ne sais pas ce que ce mot veut dire, mais je trouve le plus joli du monde. Enfin, vous voyez comme votre sang prend mon parti. Eh mon Dieu, c'est une causeuse qui ne dit pas ce qu'elle pense. Ne vous y fiez pas beaucoup, si vous m'en voulez croire. Oh, que vous êtes méchante de me vouloir rendre suspecte à madame. Voyez un peu où j'en serais si elle allait croire ce que vous dites. Serais-je si malheureuse, madame, que vous eussiez de moi cette pensée? Non, non, je ne m'arrête pas à ces paroles et je vous crois plus sincère qu'elle ne dit. Oh, que vous avez bien raison, madame, et que vous me rendrez justice quand vous croirez que je vous trouve la plus engageante personne du monde, que j'entre dans vos sentiments et suis charmée de toutes les expressions qui sortent de votre bouche. Hélas, je parle sans affectation. Ah, on le voit bien, madame, et que tout est naturel en vous. Vos paroles, le ton de votre voix, vos regards, vos pas, votre action et votre ajustement ont je ne sais quel air de qualité qui enchante les gens. Je vous étudie des yeux et des oreilles et je suis si remplie de vous que je tâche d'être votre singe et de vous contrefaire en tout. Vous moquez de moi, madame. Oh, pardonnez-moi, madame. Qui voudrait se moquer de vous? Je ne suis pas un bon modèle, madame. Oh, que si, madame. Vous me flattez, madame. Oh, point du tout, madame. Épargnez-moi, s'il vous plaît, madame. Je vous épargne aussi, madame. Et je ne dis pas la moitié de ce que je pense, madame. Oh, mon Dieu, brisons là de grâce. Vous me jetteriez dans une confusion épouvantable. Enfin, nous voilà deux contre vous. Et l'opiniâtreté sied mal aux personnes spirituelles. Ah, arrêtez, s'il vous plaît, monsieur. Tu ne me connais pas, sans doute. Si fait, je vous connais. Et vous n'entrerez pas. Oh, que de bruit, petit laquais. Ce n'est pas bien de vouloir rentrer malgré les gens. Je veux voir ta maîtresse. Elle n'y est pas, vous dit. La voilà dans la chambre. Il est vrai, la voilà, mais elle n'y est pas. Qu'est-ce donc il y a ? Votre laquais, madame, qui fait le saut. Je lui dis que vous n'y êtes pas, madame. Il ne veut pas laisser d'entrer. Et pourquoi dire à monsieur que je n'y suis pas? Vous me grondâtes l'autre jour de lui avoir dit que vous n'y étiez. Oh, voyez, c'est insolent. Je vous prie, monsieur, de ne pas croire ce qu'il dit. C'est un petit écervelé qui vous a pris pour un autre. Je l'ai bien vu, madame, et sans votre respect, je lui aurais appris à connaître les gens de qualité. Ma cousine vous est fort obligée de cette déférence. Un siège, donc, impertinent. Mais voilà-t-il pas un? Approchez-le. Oh. Votre petit laquais, madame, a du mépris pour ma personne. Oh, il aurait tort, oui, sans doute. Peut-être que je paie l'intérêt de ma mauvaise mine. L'âge le rendra plus éclairé en honnête gens. Sur quoi en étiez-vous, mesdames, lorsque je vous ai interrompu? Sur la comédie de l'école des femmes. Oh, je ne fais qu'en sortir. Eh bien, monsieur, comment la trouvez-vous, s'il vous plaît? Tout à fait impertinente. Oh, que j'en suis ravie! C'est la plus méchante chose du monde. Comment diable, à peine ai-je pu trouver place. J'ai pensé être étouffé à la porte et jamais on ne m'a tant marché sur les pieds. Voyez comme mes canons et mes rubans sont ajustés de grâce. Il est vrai que cela crie vengeance contre l'école des femmes et que vous la condamnez avec justice. Il ne s'est jamais fait, je pense, une si méchante comédie. Ah, voici Dorante que nous attendons. Ah. Ah. Bougez de grâce et n'interrompez point votre discours. Vous êtes là sur une matière qui, depuis 4 jours, fait presque l'entretien de toutes les maisons de Paris, et jamais on n'a rien vu de si plaisant que la diversité des jugements qui se font là-dessus. Car enfin, j'ai, oui, condamné cette comédie à certaines gens par les mêmes choses que j'ai vu d'autres estimer le plus. Voilà monsieur le marquis qui en dit force mal. Il est vrai, je la trouve détestable, morbleu détestable, du dernier détestable, ce qu'on appelle détestable. Et moi, mon cher marquis, je trouve le jugement détestable. Quoi, chevalier, est-ce que tu prétends soutenir cette pièce? Eh oui, je prétends la soutenir. Parbleu, je la garantis détestable. La caution n'est pas bourgeoise. Mais marquis, par quelle raison de grâce cette comédie est-elle ce que tu dis? Pourquoi elle est détestable? Oui. Bah, elle est détestable parce qu'elle est détestable. Ah. Après cela, il n'y a plus rien à dire. Voilà son procès fait. Mais encore instruis-nous et nous dis les défauts qui y sont. Que sais-je, moi? Je ne me suis pas seulement donné la peine de l'écouter. Ah bah. Enfin, je sais bien que je n'ai jamais rien vu de si méchant, Dieu me damne. Et Dorylas, contre qui j'étais, a été de mon avis. L'autorité est belle et te voilà bien appuyé. Il ne faut que voir les continuels éclats de rire que le parterre y fait. Je ne veux point d'autre chose pour témoigner qu'elle ne vaut rien. Tu es donc marquis de ces messieurs du bel air qui ne veulent pas que le parterre ait du sang commun et qui serait fâché d'avoir ri avec lui, fût-ce de la meilleure chose du monde. Je vis l'autre jour sur le théâtre un de nos amis qui se rendit ridicule par là. Il écouta toute la pièce avec un sérieux le plus sombre du monde, et tout ce qui égayait les autres ridait son front. À tous les éclats de risée, il haussait les épaules et regardait le parterre en pitié. Quelquefois aussi, le regardant avec dépit, il lui disait tout haut « Ridons, parterre, ridons !» Ce fut une seconde comédie que le chagrin de notre ami. Il la donna en galant homme à toute l'assemblée, et chacun demeura d'accord qu'on ne pouvait pas mieux jouer qu'il fit. Apprends, marquis, je te prie, et les autres aussi, que le bon sens n'a point de place déterminée à la comédie. Que la différence du demi-louis d'or et de la pièce de 15 sols ne fait rien du tout au bon goût. Que debout et assis, on peut donner un mauvais jugement. Et qu'enfin, à le prendre en général, je me fierai assez à l'approbation du parterre. Par la raison qu'entre ceux qui le composent, il y en a plusieurs qui sont capables de juger d'une pièce selon les règles, et que les autres en jugent par la bonne façon d'en juger, qui est de se laisser prendre aux choses, et de n'avoir ni prévention aveugle, ni complaisance affectée, ni délicatesse ridicule. Te voilà donc, chevalier, le défenseur du parterre. Parbleu, je m'en réjouis, et je ne manquerai pas de l'avertir que tu es de ses amis. Ris tant que tu voudras, je suis pour le bon sens et ne saurais souffrir les ébullitions de cerveau de nos marquis de Mascarille. J'enrage de voir de ces gens qui se traduisent en ridicule malgré leur qualité. De ces gens qui décident toujours et parlent hardiment de toutes choses sans s'y connaître. Qui dans une comédie se crieront aux méchants endroits et ne prendront pas à ceux qui sont bons. Qui voyant un tableau ou écoutant un concert de musique blâment d'eux-mêmes et louent tout à contresens. Prennent par où ils peuvent les termes de l'art qu'ils attrapent et ne manquent jamais de les estropier et de les mettre hors de place. Eh, morbleu, messieurs, taisez-vous. Quand Dieu ne vous a pas donné la connaissance d'une chose, n'apprêtez point à rire à ceux qui vous entendent parler. Et songez qu'en ne disant mot, on croira peut-être que vous êtes d'habiles gens. Parbleu, chevalier, tu le prends là. Oh mon Dieu, marquis, ce n'est pas à toi que je parle. C'est à une douzaine de messieurs qui déshonorent les gens de cour par leurs manières extravagantes et font croire parmi le peuple que nous nous ressemblons tous. Pour moi, je m'en veux justifier le plus qu'il me sera possible. Et je les dauberai tant en toute rencontre qu'à la fin, ils s'en rendront sages. Dis-moi un peu, chevalier, crois-tu que Lysandre ait de l'esprit? Oui, sans doute, et beaucoup. C'est une chose qu'on ne peut pas nier. Demandez-lui ce qu'il lui semble de l'école des femmes. Vous verrez qu'il vous dira qu'elle ne lui plaît pas. Mais, mon Dieu, il y en a beaucoup que le trop d'esprit gâte, qui voit mal les choses à force de lumière, et même qui serait bien fâché d'être de l'avis des autres pour avoir la gloire de décider. Il est vrai. Notre ami est de ces gens-là, sans doute. Il veut être le premier de son opinion et qu'on attende par respect son jugement. Toute approbation qui marche avant la sienne est un attentat sur ses lumières, dont il se venge hautement en prenant le contraire parti. Il veut qu'on le consulte sur toutes les affaires d'esprit. Et je suis sûre que si l'auteur lui eût montré sa comédie avant que de la faire voir au public, il l'eût trouvée la plus belle du monde. Et que direz-vous de la marquise Araminte, qui la publie partout pour épouvantable et dit qu'elle n'a jamais pu souffrir les ordures dont elle est pleine? Je dirais que cela est digne du caractère qu'elle a pris et qu'il y a des personnes qui se rendent ridicules pour vouloir avoir trop d'honneur. Bien qu'elle ait de l'esprit, elle a suivi le mauvais exemple de celles qui, étant sur le retour de l'âge, veulent remplacer de quelque chose ce qu'elles voient qu'elles perdent et prétendent que les grimaces d'une pruderie scrupuleuse leur tiendront lieu de jeunesse et de beauté. Et celle-ci pousse l'affaire plus avant qu'aucune et l'habileté de son scrupule découvre des saletés où jamais personne n'en a vu. On tient qu'il va, ce scrupule, jusqu'à défigurer notre langue et qu'il n'y a point presque de mots dont la sévérité de cette dame ne veuille retrancher ou la tête ou la queue pour les syllabes déshonnêtes qu'elle y trouve. Bien fou, chevalier. Enfin, chevalier, tu crois défendre ta comédie en faisant la satire de ceux qui la condamnent? Non pas, mais je tiens que cette dame se scandalise à tort. Tout beau, monsieur le chevalier. Il pourrait y en avoir d'autres qu'elle qui seraient dans les mêmes sentiments. Je sais bien que ce n'est pas vous, au moins, et que lorsque vous avez vu cette représentation... Il est vrai, mais j'ai changé d'avis. Et madame s'est appuyée le sien par des raisons si convaincantes qu'elle m'a entraînée de son côté. Ah, madame, je vous demande pardon. Et si vous le voulez, je me dédierai pour l'amour de vous, de tout ce que j'ai. Oh, je ne veux pas que ce soit pour l'amour de moi, mais pour l'amour de la raison. Car enfin, cette pièce, à le bien apprendre, est tout à fait indéfendable. Et je ne conçois pas... Ah, voici l'auteur, Monsieur Lysida. Il vient tout à propos pour cette matière. Monsieur Lysida, prenez un siège vous-même et vous mettez là. Madame, je viens un peu tard, mais il m'a fallu lire ma pièce chez Madame la Marquise, dont je vous avais parlé. Et les louanges qui m'ont été donnés m'ont retenu une heure plus que je ne croyais. Oh. C'est un grand charme que les louanges pour arrêter un auteur. Asseyez-vous, Monsieur Lysidas. Nous lirons votre pièce après souper. Tous ceux qui étaient là doivent venir à sa première représentation et m'ont promis de faire leur devoir comme il faut. Je le crois. Mais encore une fois, asseyez-vous, s'il vous plaît. Nous sommes ici sur une matière que je serais bien aise que nous poussions. Je pense, madame, que vous retiendrez aussi une loge pour ce jour-là. Nous verrons. Poursuivons de grâce notre discours. Je vous donne avis, madame, qu'elles sont presque toutes retenu. Voilà qui est bien. Enfin, j'avais besoin de vous lorsque vous êtes venu et tout le monde était ici contre moi. Ah, il s'est mis d'abord de votre côté, mais maintenant qu'il sait que madame est à la tête du parti contraire, je pense que vous n'avez qu'à chercher un autre secours. Non, je ne voudrais pas qu'il fît mal sa cour auprès de madame, votre cousine. Et je permets à son esprit d'être du parti de son cœur. Ah, avec cette permission, madame, je prendrai la hardiesse de me défendre. Mais auparavant, sachons un peu les sentiments de Monsieur Lysida. Ah. Sur quoi, madame? Sur le sujet de l'école des femmes. Que vous en semble? Je n'ai rien à dire là-dessus. Et vous savez qu'entre nous autres auteurs, nous devons parler des ouvrages les uns des autres avec beaucoup de circonspection. Mais encore, entre nous, que pensez-vous de cette comédie? Moi, monsieur... De bonne foi, dites-nous votre avis. Je la trouve fort belle. Assurément. Assurément, pourquoi non? N'est-elle pas en effet la plus belle du monde? Vous êtes un méchant diable, monsieur Lysidas. Vous ne dites pas ce que vous pensez. Pardonnez-moi. Oh mon Dieu, je vous connais. Ne dissimulons point. Moi, monsieur. Je vois bien que le bien que vous dites de cette pièce n'est que par honnêteté. Et que, dans le fond du cœur, vous êtes de l'avis de beaucoup de gens qui la trouvent mauvaise. Avouez, ma foi, que c'est une méchante chose que cette comédie. Il est vrai qu'elle n'est pas approuvée par les connaisseurs. Ma foi, chevalier Piantien, et te voilà payé de ta raillerie. Pousse, mon cher marquis, pousse. Mais tu vois que nous avons les savants de notre côté. Il est vrai, le jugement de Monsieur Lysidas est quelque chose de considérable. Mais Monsieur Lysidas veut bien que je ne me rende pas pour cela. Et puisque j'ai bien l'audace de me défendre contre les sentiments de madame, il ne trouvera pas mauvais que je combatte les siens. Quoi, vous voyez contre vous, madame, monsieur le marquis et monsieur Lysidas, et vous osez résister encore? Fi, que cela est de mauvaise grâce! Voilà qui me confond pour moi que des personnes raisonnables se puissent mettre en tête de donner protection aux sottises de cette pièce. Dieu me donne, madame, elle est misérable depuis le commencement jusqu'à la fin. Mais cela est bientôt dit, marquis. Il n'est rien de plus aisé que de trancher ainsi. Et je ne vois aucune chose qui puisse être à couvert de la souveraineté de tes décisions. Et parbleu, tous les autres comédiens qui étaient là pour la voir en ont dit tous les mots du monde. Oh, je ne dis plus mot. Tu as raison, marquis. Puisque les autres comédiens disent du mal, il faut les en croire assurément. Ce sont tous gens éclairés et qui parlent sans intérêt. Il n'y a plus rien à dire. Je me rends. Rendez-vous. Vous ne vous rendez pas. Je sais fort bien que vous ne me persuaderez point de souffrir les immodesties de cette pièce, non plus que les satires désobligeantes qu'on y voit contre les femmes. Pour moi, je me garderai bien de m'en offenser, de prendre rien sur mon compte de tout ce qui s'y dit. Ces sortes de satires tombent directement sur les mœurs et ne frappent les personnes que par réflexion. N'allons point nous appliquer nous-mêmes les traits d'une censure générale et profitons de la leçon, si nous pouvons, sans faire semblant qu'on parle à nous. Toutes les peintures ridicules qu'on expose sur les théâtres doivent être regardées sans chagrin de tout le monde. Ce sont miroirs publics où il ne faut jamais témoigner qu'on se voit. Et c'est se taxer hautement d'un défaut que se scandaliser qu'on le reprenne. Pour moi, je ne parle pas de ces choses par la part que j'y puisse avoir. Et je pense que je vis d'un air dans le monde à ne pas craindre d'être cherché dans les peintures qu'on fait là des femmes qui se gouvernent mal. Assurément, madame, on ne vous y cherchera point. Votre conduite est assez connue, et ce sont de ces sortes de choses qui ne sont contestées de personne. Aussi, madame, n'ai-je rien dit qui aille à vous, et mes paroles, comme les satires de la comédie, demeurent dans la thèse générale. Je n'en doute pas, madame. Mais enfin, passons sur ce chapitre. Je ne sais pas de quelle façon vous recevez les injures qu'on dit à notre sexe dans un certain endroit de la pièce. Mais pour moi, je vous avoue que je suis dans une colère épouvantable de voir que cet auteur impertinent nous appelle des animaux. Oh, ne voyez-vous pas que c'est un ridicule qu'il fait parler? Et puis, madame, ne savez-vous pas que les injures des amants n'offensent jamais? Qu'il est des amours emportés aussi bien que des doucereux, et qu'en de pareilles occasions, les paroles les plus étranges, et quelque chose de pire encore, se prennent bien souvent pour des marques d'affection par celles-là même qui les reçoivent. Dites tout ce que vous voudrez, je ne saurais digérer cela, non plus que le potage. Et la tarte à la crème, dont madame a parlé tantôt. Oh, ma foi, oui, tarte à la crème. Voilà ce que j'avais remarqué tantôt, tarte à la crème. Que je vous suis obligée, madame, de m'avoir fait souvenir de tarte à la crème. Y a-t-il assez de pommes en Normandie pour tarte à la crème? Tarte à la crème, mon Dieu. Tarte à la crème. Eh bien, que veux-tu dire, tarte à la crème? Oh, parbleu, tarte à la crème, je m'allier. Mais encore. Tarte à la crème. Dis-nous un peu tes raisons. Tarte à la crème. Mais il faut expliquer sa pensée, ce maison. Oh, tarte à la crème, madame. Que trouvez-vous là à redire? Moi, rien, tarte à la crème. Oh, je le quitte. Oh, monsieur le marquis qui s'y prend bien et vous bourre de la belle manière. Mais je voudrais bien que monsieur Lycidas voulût les achever et leur donner quelques petits coups de sa façon. Ce n'est pas ma coutume de rien blâmer, et je suis assez indulgent pour les ouvrages des autres. Mais enfin, sans choquer l'amitié que monsieur le chevalier témoigne pour l'auteur, on m'avouera que ces sortes de comédies ne sont pas proprement des comédies et qu'il y a une grande différence de toutes ces bagatelles à la beauté des pièces sérieuses. Cependant, tout le monde donne là-dedans aujourd'hui, on ne court plus qu'à cela. Et l'on voit une solitude effroyable aux grands ouvrages lorsque des sottises ont tout Paris. Je vous avoue que le cœur m'enseigne quelquefois, et cela est honteux pour la France. Il est vrai que le goût des gens est étrangement gâté là-dessus, et que le siècle s'en canaille furieusement. Celui-là est joli encore sans canaille. Est-ce vous qui l'avez inventé, madame? Oh, c'est bien douté. Vous croyez donc, monsieur Lycidas, que tout l'esprit et toute la beauté sont dans les poèmes sérieux et que les pièces comiques sont des niaiseries qui ne méritent aucune louange? Ce n'est pas mon sentiment pour moi. La tragédie, sans doute, est quelque chose de beau quand elle est bien touchée. Mais la comédie a ses charmes et je tiens que l'une n'est pas moins difficile à faire que l'autre. Mais assurément, madame. Et quand, pour la difficulté, vous mettriez un peu plus du côté de la comédie, peut-être que vous ne vous abuseriez pas. Car enfin, je trouve qu'il est bien plus aisé de se guinder sur de grands sentiments, de braver en vers la fortune, accuser les destins et dire des injures aux dieux que d'entrer comme il faut dans le ridicule des hommes et de rendre agréablement sur le théâtre les défauts de tout le monde. Lorsque vous peignez des héros, vous faites ce que vous voulez. Ce sont des portraits à plaisir, où l'on ne cherche point la ressemblance, et vous n'avez qu'à suivre les traits d'une imagination qui se donne l'essor, et qui souvent laisse le vrai pour attraper le merveilleux. Mais lorsque vous peignez les hommes, il faut peindre d'après nature. On veut que ces portraits ressemblent, et vous n'avez rien fait si vous n'y faites reconnaître les gens de votre siècle. En un mot, dans les pièces sérieuses, il suffit, pour n'être point blâmé, de dire des choses qui soient de bon sens et bien écrites, mais ce n'est pas assez dans les autres. Il y faut plaisanter, et c'est une étrange entreprise que celle de faire rire les honnêtes gens. Je crois ça être du nombre des honnêtes gens, et cependant, je n'ai pas trouvé le mot pour rire dans tout ce que j'ai vu. Ma foi, ni moi non plus. Pour toi, marquis, je ne m'en étonne pas, c'est que tu n'y as point trouvé de turlupinade. Oh. Ma foi, monsieur, ce qu'on y rencontre ne vaut guère mieux, et toutes les plaisanteries sont assez froides, à mon avis. La cour n'a pas trouvé cela. Oh, monsieur, La cour a quelques ridicules, j'en demeure d'accord. Mais ma foi, il y en a un grand nombre parmi les beaux esprits de profession. Et si l'on joue quelques marquis, je trouve qu'il y a bien plus de quoi jouer les auteurs. Et que ce serait une chose plaisante à mettre sur le théâtre que leurs grimaces savantes et leurs raffinements ridicules, leurs vicieuses coutumes d'assassiner les gens de leurs ouvrages, leurs friandises de louanges, leurs ménagements de pensée, leurs trafics de réputation et leurs ligues offensives et défensives, aussi bien que leurs guerres d'esprit et leurs combats de prose et de vers. Molière est bien heureux, monsieur, d'avoir un protecteur aussi chaud que vous. Mais enfin, pour venir au fait, il est question de savoir si sa pièce est bonne, et je m'offre d'y montrer et partout sans défaut visible. C'est une étrange chose de vous autres, messieurs les poètes, que vous condamniez toujours les pièces où tout le monde court et ne disiez jamais du bien que de celles où personne ne va. Vous montrez pour les unes une haine invincible et pour les autres une tendresse qui n'est pas concevable. C'est qu'il est généreux de se ranger du côté des affligés. Mais de grâce, monsieur Lycidas, faites-nous voir ces défauts dont je ne me suis point aperçu. Ceux qui possèdent Aristote et Horace voient d'abord, madame, que cette comédie pêche contre toutes les règles de l'art. Je vous avoue que je n'ai aucune habitude avec ces messieurs-là et que je ne sais point les règles de l'art. Vous êtes de plaisantes gens avec vos règles dont vous embarrassez les ignorants et nous étourdissez tous les jours. Il semble à vous ouïr parler que ces règles de l'art soient les plus grands mystères du monde. Et cependant, ce ne sont que quelques observations aisées que le bon sens a faites sur ce qui peut ôter le plaisir que l'on prend à ces sortes de poèmes. Et le même bon sens qui a fait autrefois ces observations les fait aisément tous les jours sans le secours d'Horace et d'Aristote. Je voudrais bien savoir si la grande règle de toutes les règles n'est pas de plaire. Et si une pièce de théâtre qui a attrapé son but n'a pas suivi un bon chemin. Veut-on que tout un public s'abuse sur ces sortes de choses et que chacun n'y soit pas juge du plaisir qu'il y prend? J'ai remarqué une chose de ces messieurs-là, c'est que ceux qui parlent le plus des règles et qui les savent mieux que les autres font des comédies que personne ne trouve belles. Et c'est ce qui marque, madame, comme on doit s'arrêter peu à leurs disputes embarrassées. Car enfin, si les pièces qui sont selon les règles ne plaisent pas, et que celles qui plaisent ne soient pas selon les règles, il faudrait de nécessité que les règles eussent été mal faites. Moquons-nous donc de cette chicane où ils veulent assujettir le goût du public, et ne consultons dans une comédie que les faits qu'elle fait sur nous. Laissons-nous aller de bonne foi aux choses qui nous prennent par les entrailles, et ne cherchons point de raisonnement pour nous empêcher d'avoir du plaisir. Pour moi, quand je vois une comédie, je regarde seulement si les choses me touchent. Et lorsque je m'y suis bien divertie, je ne vais point demander si j'ai eu tort et si les règles d'Aristote me défendaient de rire. C'est justement comme un homme qui aurait trouvé une sauce excellente et qui voudrait examiner si elle est bonne sur les préceptes du cuisinier français. Il est vrai, et j'admire les raffinements de certaines gens sur les choses que nous devons sentir par nous-mêmes. Vous avez raison, madame, de les trouver étranges, tous ces raffinements mystérieux. Car enfin, s'ils ont lieu, nous voilà réduits à ne plus nous croire. Nos propres sens sont esclaves en toutes choses, et jusqu'au manger et au boire, nous n'oserons plus trouver rien de bon sans le congé de messieurs les experts. Enfin, monsieur, toute votre raison, c'est que l'école des femmes a plu. Et vous ne vous souciez point qu'elle ne soit pas dans les règles pour vous... À tout bon, monsieur Lycidas, je ne vous accorde pas cela. Je dis bien que le grand art est de plaire, et que cette comédie ayant plu à ceux pour qui elle est faite, je trouve que c'est assez pour elle, et qu'elle doit peu se soucier du reste. Mais avec cela, je soutiens qu'elle ne pêche contre aucune des règles dont vous parlez. Je les ai lues, Dieu merci, autant qu'un autre, et je ferai voir aisément que peut-être n'avons-nous point de pièces au théâtre plus régulières que celle-là. Courage, monsieur Lycidas, nous sommes perdus si vous reculez. Quoi, monsieur? La protase, l'épitase... Et la péripétie. Oh, monsieur Lycidas, vous nous assommez avec vos grands mots. Ne paraissez point si savant de grâce. Humanisez votre discours et parlez pour être entendu. Pensez-vous qu'un nom grec donne plus de poids à vos raisons? Et ne trouveriez-vous pas qu'il fût tout aussi beau de dire l'exposition du sujet que la protase, le nœud que l'épitase, et le dénouement que la péripétie? Ce sont termes de l'art dont il est permis de se servir. Mais puisque ces mots blessent vos oreilles, je m'expliquerai d'une autre façon, et je vous prie de répondre positivement à trois ou quatre choses que je vais dire. Peut-on souffrir une pièce qui pêche contre le nom propre des pièces de théâtre? Car enfin, le nom de poème dramatique vient d'un mot grec qui signifie « agir » pour montrer que la nature de ce poème consiste dans l'action. Et dans cette comédie-ci, il ne se passe point d'action. Et tout consiste en des récits que vient faire Agnès ou Horace. Chevalier! Voilà qui est spirituellement remarqué. Et c'est prendre le fin des choses. Est-il rien de si peu spirituel, ou pour mieux dire, rien de si bas que quelques mots où tout le monde rit, et surtout celui... des enfants par l'oreille. Fort bien. La scène du valet et de la servante au-dedans de la maison n'est-elle pas d'une longueur ennuyeuse et tout à fait impertinente? C'est vrai. Assurément. Arnolphe ne donne-t-il pas trop librement son argent à Horace? Et puisque c'est le personnage ridicule de la pièce, fallait-il lui faire l'action d'un honnête homme? Non, la remarque est bonne. Admirable. Merveilleuse. Le sermon et les maximes ne sont-elles pas des choses ridicules et qui choquent même le respect que l'on doit à nos mystères? Eh bien dit. Voilà parler comme il faut. Ah, il ne se peut rien de mieux. Et ce monsieur de la souche, enfin, qu'on nous fait un homme d'esprit et qui paraît si sérieux en tant d'endroits, ne descend-il point dans quelque chose de trop comique et de trop poutré au cinquième acte, lorsqu'il explique à Agnès la violence de son amour avec ses roulements d'yeux extravagants, ses soupirs ridicules et ses larmes niaises qui font rire tout le monde? Oh, les merveilles. Oh, il va, monsieur Lycidas. Je laisse 100 000 autres choses, de peur d'être ennuyeux. Parbleu, chevalier, te voilà mal ajusté. Il me faut voir. Tu as trouvé ton homme, ma foi. Peut-être. Réponds. Volontiers. Mais répondons, je te prie. Laisse-moi l'en faire. Parbleu, je te défie de répondre. Oui, si tu parles toujours. De grâce, écoutons ses raisons. Premièrement, il n'est pas vrai de dire que toute la pièce n'est qu'en récit. On y voit beaucoup d'actions qui se passent sur la scène, et les récits eux-mêmes y sont des actions suivant la constitution du sujet. D'autant qu'ils sont tous faits innocemment, ces récits, à la personne intéressée, qui par là entre à tout coup dans une confusion à réjouir les spectateurs et prend à chaque nouvelle toutes les mesures qu'il peut pour se parer du malheur qu'il craint. Pour moi, je trouve que la beauté du sujet de l'école des femmes consiste dans cette confidence perpétuelle. Et ce qui me paraît assez plaisant, c'est qu'un homme qui a de l'esprit et qui est averti de tout par une innocente, qui est sa maîtresse, et par un étourdi qui est son rival, ne puisse avec cela éviter ce qui lui arrive. Bagatelle, bagatelle. Je me fais une réponse. Pour ce qui est des enfants par l'oreille, ils ne sont plaisants que par réflexion à Arnolf. Et l'auteur n'a pas mis cela pour être de soi un bon mot, mais seulement pour une chose qui caractérise l'homme et peint d'autant mieux son extravagance puisqu'il rapporte une sottise triviale qu'a dit Agnès comme la chose la plus belle du monde et qui lui donne une joie inconcevable. C'est mal répondre. Ça ne satisfait point. Je n'ai rien dit. Et quant à l'argent qu'il donne librement, outre que la lettre de son meilleur ami lui est une caution suffisante, il n'est pas incompatible qu'une personne soit ridicule en de certaines choses et honnête homme en d'autres. Et pour la scène d'Alain et de Georgette dans le logis, que quelques-uns ont trouvé longue et froide, il est certain qu'elle n'est pas sans raison, et de même qu'Arnolf se trouve attrapé pendant son voyage par la pure innocence de sa maîtresse, il demeure au retour longtemps à sa porte par l'innocence de ses valets, afin qu'il soit partout puni par les choses qu'il a cru faire, la sûreté de sa précaution. Voilà des raisons qui ne valent rien. Tout cela ne fait que blanchir. Ouais. Pour le discours moral que vous appelez un sermon, il est certain que de vrais dévots qui l'ont ouï n'ont pas trouvé qu'il choqua ce que vous dites. Et sans doute que ces paroles d'enfer et de chaudière bouillante sont assez justifiées par l'extravagance d'Arnolf et par l'innocence de celle à qui il parle. Et quant au transport amoureux du cinquième acte, qu'on accuse d'être trop outré ou trop comique, je voudrais bien savoir si ce n'est pas faire la satire des amants. Et si les honnêtes gens même, et les plus sérieux, en de pareilles occasions, ne font pas des choses... À toi, chevalier, tu ferais mieux de te taire. Fort bien. Mais enfin, si nous nous regardions nous-mêmes, quand nous sommes bien amoureux... Je ne veux pas seulement t'écouter. Écoute-moi si tu veux. Est-ce que dans la violence de la passion... Quoi? Je ne sais pas si... Il me semble que... Il se passe des choses assez plaisantes dans notre dispute. Je trouve qu'on en pourrait bien faire une petite comédie. Et que cela ne serait pas trop mal à la queue de l'école des femmes. Vous avez raison. Parbleu, chevalier, toujours est là-dedans un rôle qui ne te serait pas avantageux. Il est vrai, Marie. Pour moi, je souhaiterais que cela se fît, pourvu qu'on traite à la chose comme elle s'est passée. Oh, et moi, je fournirais de bon cœur mon personnage. Je ne refuserais pas le mien, que je pense. Puisque chacun en serait content. Chevalier, faites un mémoire de tout et le donnez à Molière, que vous connaissez, pour le mettre en comédie. Il me regarde sans doute, et je ne serai pas des vers à sa louange. Je connais son humeur. Il ne se soucie pas qu'on fronde ses pièces. Pourvu qu'il y vienne du monde. Mais quel dénouement pourrait-il trouver à ceci? Car il ne saurait y avoir ni mariage, ni reconnaissance, et je ne sais point par où l'on pourrait faire finir la dispute. Il faudrait rêver quelque incident pour cela. Madame, on a servi sur table. Ah! Voilà justement ce qu'il faut pour le dénouement que nous cherchions, et l'on ne peut rien trouver de plus naturel. On disputera fort et ferme de part et d'autre, comme nous avons fait, sans que personne ne se rende. Un petit laquais viendra dire qu'on a servi, on se lèvera, et chacun ira souper. La comédie ne peut pas mieux finir, et nous ferons bien d'en demeurer là. Vous venez d'entendre la critique de l'école des femmes de Molière. Avec l'interprétation que voici, Dorante, Jacques Toja, Lysidore, Robert Chandot, le Marquis, Pascal Mazotti, Galopin, Rosine Favet, Uranie, Françoise Seignier, Élise, Daniel Lebrun, Climène, Françoise Angèle.